Encore un son sur la trahison, encore un son sur le mensonge, encore un son pour virer cette déraison de mes songes. Une souffrance de plus à balayer rapidement, une souffrance de plus au tableau de mes tourments. Je croyais faire la différence entre les salopes et les gens bien, avec mes valeurs est enfin protégé de ces trucs malsains. Combien de gens de ton entourage jouent un rôle 24 sur 24, plante un couteau dans le dos pour une partie à 4 pattes. Dans le 44 mon pote, y'a une grosse zone en danger, parce qu'avec tout ce que je dois venger, je pourrais prendre perpétuité. La vie c'est une pute comme les filles qui commencent par C. Et puis si c'est une lutte, je vais commencer par tout casser. Je fais que me faire trahir, meurtrier, abandonner aucune valeur. Je suis seul sur mon navire à tenter de les conserver. Apparence trompeuse, le diable se faufile dans ton lit. J'ai la haine de pas l'avoir vu commencer son petit sevis. Je tombe sur des personnes malsaines qui jouent un double jeu, mais tôt ou tard se révèlent, s'en mêlent dans leurs propres aveux. En amitié ou en amour, je fais pas trop la différence. Fais tes preuves et toi et moi, on en reparle dans 10 ans. C'est marrant quand une seule chose peut tout faire tomber, discréditer tout ce qui a pu s'être dit par le passé. La vie ça se réitère, j'essaie pas de comprendre son sens, sinon je ferai des carnages sa mère jusqu'à l'autre bout de la France. Tu m'as dit tu comptes pour moi, tu m'as laissé sur le bord de la route. Crois-moi si je te croise toi, tu finiras dans la soupe. Pas de valeur, pas de remords de jouer avec les gens. Ce que tu laisses est un désert, mais t'inquiète, je vois loin devant. L'amour j'y crois plus, quand je le trouve je le laisse passer, pour le remplacer par une relation débile sans intérêt. D'être vrai au fond, ça fait comme jouer des tours, pour autant que devenir une petite pute à mon tour. Pas besoin de vous, bande de catins, pour continuer ma vie. Ça motive à viser plus haut, poursuivre ce que j'ai bâti. 26 ans, je verrai plus jamais confiance à personne. Dans ma tête, ça résonne, ça résonne. Combattante, je comprends rien moi à cette vie de merde, les gens c'est tous les mêmes. Te tacle des années en une semaine. Dédicace à mon équipe, à ceux qui me tirent vers le haut, qui font de ma vie une ligne directrice fidèle à mes idéaux. Ceux qui croient en moi et m'ont toujours respecté, pas ceux qui me l'ont fait croire pour finir par me tacler. Parle à toi et toi, si tu te reconnais. La vengeance est dans ma tête, vous pourrez pas y échapper. Avec tout ça je m'en fous moi, finir toute seule. Je préfère qu'être entourée de faux, de mythos, crachant sur mon cercueil. Je suis touchée parce que sincère, mais moi je reste entière. Ça me renforce dans ce que je suis, ce que je veux pas être de toute manière. Maintenant j'ai compris que je peux faire que me tromper. La vie est un apprentissage qui fait que se répéter, épuisé jusqu'à la moelle, moralement, physiquement, balayé par un coup de vent. Je pardonnerai pas, non. Ça te fait miroiter une rencontre et ça t'éclate ta coup de pompe. Ça veut faire croire que c'était sincère et puis ça te nique par derrière. Puis ça fuit, ça se cache, en aucun cas n'assume ses actes. C'est quoi, c'est même pas un clash, toi c'était ça ou c'était le schlaz. Ça fait miroiter une rencontre et ça t'éclate ta coup de pompe. Ça veut faire croire que c'était sincère et puis ça te nique par derrière. Puis ça fuit, ça se cache, en aucun cas n'assume ses actes. C'est quoi, c'est même pas un clash, toi c'était ça ou c'était le schlaz. Cette sensation de trahison qui te ramènera en prison. Je me suis trompé, je vais me relever. Dédicace au vrai à mon équipe, à mes amis, ceux qui font ce que je suis. Et toi, tu voulais ta petite dédicace sur l'ABCDR, bah voilà, tu l'as. Lélita, on me baisse pas, moi. Pas jouer avec les gens. Petite pute parmi les putes. Qui veut la paix, prépare la guerre. Lélita, mon ABCDR.